reconnais la rime, tu reconnais le style, c'est qui arrive, même si fils se bloque les autres, tout mon arrive. De ma vie, ma rime dérive, je dis rien, n'a pas des rêves. Donc ma réussite sera brève, le temps que l'insulte se crève. Je fais pas partie de ceux qui dispersent, c'est pas fait, le hip-hop m'a en partie dispersé. Je me perds, c'est le rap qui m'a transpercé. Ouais, d'après mon père, c'est la musique qui m'a percé. Je vais monter sur scène à Bercy, voir mon nom sur toutes les enseignes et vous dire merci. Jamais soit lancé car je m'emmerde ici. Faire une musique saine, arrête-moi Philippe MC. Ouais, tu m'as densité, ouais, j'ai monté d'intensité. Ouais, je suis connu dans ta cité. Me permets d'insister, je fais pas un rap d'assister. De ta musique commerciale, je préfère me désister. En tant qu'MC, ma musique est fait qu'on aime si ce milieu est fait con. Ça explique le fait qu'on y trouve notre con. Notre con n'est pas là pour faire de bise, encore moins pour faire la bise au MC qui nous méprise. Les jaloux je les méprise, aucune chose que n'est permis. Sur ma musique, ma mère et mon père mise. À ce qui paraît, j'ai un flow haché, des rimes hachées. Écoute ça et ensuite va te cacher. Ou ouais, alors à m'a baisé, m'a abaissé, m'a blessé. Baissé le son à la Luc Besson, mon son te fait de l'effet. Ouais, à la Luc Besson. Ouais, le rat m'attaque, les m'a attaqué, m'a traqué jusqu'à me matraquer. T'as le traqué sur mes tracts, t'es comme un détraqué. Sur moi, le stylo, on a braqué. Sur de moi, ouais, mon flow a débarqué. Sur toi, je me tape des barres. Qui pas ça, t'inquiète pas, je suis que de passage. What you want? I said, baby, baby, I got it. Passage, que ça fait fan, Marlon, ça m'estrex. Je dis que de passage pour tous les producteurs qui bougent leur tête. Ouais, je dis que de passage pour mes frères et mes sœurs, pour mes prédécesseurs. Je suis que de passage, un bac musical, un bac musical. MC Fulis, F-I-L-I-T-S-S. Beach Blast.